Alexandre Pouchkine, mon portrait. Vous me demandez mon portrait, mais peint d'après nature. Mon cher, il sera bientôt fait, quoiqu'en miniature. Je suis un jeune polisson encore dans les classes. Point sot, je le dis sans façon et sans fade grimace. Oui, il ne fut babillard, ni docteur en Sorbonne, plus ennuyeux et plus braillard que moi-même en personne. Ma taille, à celle des plus longs, lasse, n'est point égalée. J'ai le teint frais, les cheveux blonds et la tête bouclée. J'aime, et le monde et son fracas, je hais la solitude. J'aborde énoise et dégâts, et tant soit peu l'étude. Spectacle, bal, me plaisent fort, et d'après ma pensée, je dirais ce que j'aime encore si je n'étais au lycée. Après cela, mon cher ami, l'on peut me reconnaître. Oui, tel que le bon Dieu me fit, je veux toujours paraître. Vrai démon pour l'espièglerie, vrai singe pour la mine, beaucoup et trop d'étourderie, ma foi, voilà Pouchkine. Poème écrit directement en français, 1814. Lu par Sabine, pour Audiocité, sous la licence Art Libre.